si mega passé dans New York City. C'est l'eau qui a coulé dans le cœur. Chaque jour le vent songer. Plaisir la coule à caille. Ces jours n'a pas compté. On ne voit qu'il est là. We'll be right back. Réfléchis.